qui m'a laissé mon ange à mes côtés. Tu as quitté cette maison sans chiquitina. Le ciel de bonheur s'est rempli en te recevant, Janet Christina. Dans la maison, ta joie s'est déjà envolée. Tes courses espiègles, ton sourire, tout comme ta voix, tout s'est effacé, laissant la douleur comme seul souvenir. Ça me réconforte de savoir que tu vas bien, que tu as trouvé la paix dans ta nouvelle demeure, que ta voix et tes rires espiègles, t'es comme un soleil en plein printemps. Ton sourire, ta voix et ton regard seront toujours mon guide et protecteur. Je porterai ta mémoire à chaque instant comme une lumière pour mon cœur en pleurs. À chaque instant comme une lumière.